La joie fut générale, à bord, quand on connut la résolution de Paganel. Le jeune Robert lui sauta au cou avec une vivacité fort démonstrative. Le digne secrétaire faillit tomber à la renverse. « Heureux petit bonhomme, dit-il, je lui apprendrai la géographie. » Or, comme John Mangles s'est chargé d'en faire un marin, Glenarvan, un homme de cœur, le major, un garçon de sang-froid, Lady Helena, un être bon et généreux, Mary Grant, un élève reconnaissant envers pareil maître, Robert devait évidemment devenir un jour un gentleman accompli. Le Duncan termina rapidement son chargement de charbon, puis quittant ces tristes parages, il gagna vers l'ouest le courant de la côte du Brésil, et le 7 septembre, il entra dans l'hémisphère austral. La traversée se faisait donc sans peine. Chacun avait bon espoir. L'un des plus confiants du bord, c'était le capitaine. Mais sa confiance venait surtout du désir, qu'il tenait si fort au cœur, de voir Miss Mary heureuse et consolée. Il s'était pris d'un intérêt tout particulier pour cette jeune fille. Et ce sentiment, il le cacha si bien que, sauf Mary Grant et lui, tout le monde s'en aperçut à bord du Duncan. Quant au savant géographe, c'était probablement l'homme le plus heureux de l'hémisphère austral. Il passait ses journées à étudier les cartes dont il couvrait la table du carré. De plus, ayant découvert une cargaison de livres fort dépareillés dans les coffres du second, et parmi eux un certain nombre d'ouvrages espagnols, Paganel résolut d'apprendre la langue de Cervantes, que personne ne savait à bord. Grâce à ses dispositions de polyglottisme, il ne désespérait pas de parler couramment ce nouvel idiome en arrivant au Chili. On était alors le 10 septembre. Ce jour-là, Paganel raconta l'histoire de l'Amérique et il remonta à Christophe Colomb. Cependant, le Duncan filait sur la route des Vespus et des Magellan avec une rapidité merveilleuse. Le 15 septembre, il coupa le tropique du Capricorne et le cap fut dirigé vers l'entrée du célèbre détroit. Le 25 septembre, le Duncan se trouvait à la hauteur du détroit de Magellan. Enfin, il doubla le cap Froward, tout hérissé encore des dernières glaces de l'hiver. De l'autre côté du détroit, sur la terre de feu, s'élevait, à 6000 pieds, le mont Sarmiento. Ce point dépassé, le détroit se rétrécit entre la presqu'île de Brunswick et la terre de la désolation. Alors, au rivage fertile, succédait une suite de côtes dénudées, à l'aspect sauvage, échancrées par les mille pertuis de cet inextricable labyrinthe. Le Duncan, sans une erreur, sans une hésitation, suivait de capricieuses sinuosités en mêlant les tourbillons de sa fumée aux brumes déchirées par les rocs. Enfin, 36 heures après avoir embouqué le détroit, ils virent surgir le dôtré du cap Pilares sur l'extrême pointe de la terre de la désolation. Une humeur immense, libre, étincelante, s'étendait devant son étrave.